Le ciel s'obscurcit, l'atmosphère s'alourdit, il y a comme une certaine électricité dans l'air, le temps est à l'orage. Météo France a placé 14 départements en vigilance orange cet après-midi. Si l'orage et la foudre ont à la fois terrifié et fasciné les civilisations depuis l'Antiquité, cela fait assez peu de temps que les scientifiques ont percé à jour les mécanismes qui président au déchaînement des éléments, et notamment à l'ensemble des phénomènes invisibles depuis la Terre, au nom de créatures fantastiques, elfes, sylphes, lutins, trolls et autres rayons gamma qui se produisent au-dessus des nuages. Orage et tout s'éclaire, c'est le programme qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour faire la lumière sur ces terribles orages et les phénomènes qui les entourent, nous avons le plaisir d'accueillir deux personnalités détonnantes. Passez-moi le jeu de mots, bonjour Anne Bondiaux. Bonjour. Vous êtes physicienne, directrice des affaires R&D Espace Environnement au groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales. Vous êtes surtout ancienne chercheuse à l'ONERA dans le laboratoire consacré à l'étude des orages et du foudrement des avions. Et vous êtes la co-auteure de l'ouvrage Terre d'orage avec Jean-Louis Fellous aux éditions du CNRS. Nous avons également le plaisir d'accueillir Christophe Bastien-Thierry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur et chef de projet de la mission Taranis du CNES, dont nous allons évidemment reparler au cours de cette émission. Vous pouvez suivre évidemment l'émission comme chaque jour en direct sur le fil Twitter de la méthode scientifique en vous abonnant au compte @laméthodefc. Alors, il faut dire que le sujet est d'actualité aujourd'hui. Hein, pour commencer, il suffit presque de jeter un coup d'œil par la fenêtre du studio de Radio France. Le ciel est gris sombre, quoique ça s'est un peu éclairci depuis tout à l'heure. Bref, il y a en tout cas une certaine lumière un peu étrange, jaune, rasante, l'air est lourd. Qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment dans le ciel ici et de façon encore plus prononcée dans les régions qui sont en vigilance orange, Anne Bondiaux? Je vais d'abord vous décrire ce que l'on voit, c'est-à-dire ce nuage qui est en train de se former. Puis après, je vous décrirai ce qu'on ne voit pas tout de suite, c'est-à-dire l'électricité qui est en train d'y apparaître. Alors, le nuage qui est en train de se former, dans des journées comme celle-ci, l'air chaud subit un mouvement ascensionnel, c'est-à-dire qu'il s'élève et en montant, il se refroidit. Donc ce mouvement devrait s'interrompre en principe relativement rapidement au bout d'à peu près 2 km. Mais cet air chaud qui monte, il est aussi humide. Et il emporte avec lui une sorte de réservoir d'énergie qu'on appelle la chaleur latente, qui au fur et à mesure que la vapeur d'eau contenue dans cet air humide va condenser, ça va libérer de la chaleur et donc entretenir le mouvement, puisque la bulle d'air va continuer à être plus chaude que l'air environnant. Et donc, progressivement, il y a donc convection, donc cette ascension d'air chaud, jusqu'à former ce cumulonimbus que vous voyez de plus en plus important, qui bourgeonne. Et puis, après tout, ça pourrait durer très longtemps. Non, ça s'interrompt vers, sous nos latitudes, 10 ou 11 kilomètres, ce qu'on appelle la tropopause, parce que là, le profil normal de température de l'atmosphère s'inverse. Et la température commence à se réchauffer. Et là, le cumulonimbus, et vous l'observerez, donc cesse sa croissance, et puis s'étale un peu paresseusement aux alentours de 10, 11, 12 kilomètres, et adopte cette forme caractéristique, on appelle ça une enclume, ce qui n'est pas très bien trouvé, finalement, quand on parle d'un nuage. Mais voilà, c'est ça la formation du cumulonimbus d'orage. On va mettre quelques photos de ces cumulonimbus et de cette forme d'enclume si caractéristique. Qu'est-ce qui se passe justement au moment de cette rencontre avec la tropopause? Donc la tropopause, c'est la limite entre la troposphère et la stratosphère. Pourquoi est-ce que l'air devient plus chaud à cet endroit-là? À cause de la couche d'ozone qui induit à cet endroit-là, par absorption du rayonnement par les molécules d'ozone, donc qui ont des propriétés physiques particulières, et ça induit un réchauffement. Donc la température qui baissait tranquillement depuis la surface du sol, son évolution va s'inverser et elle va se remettre à croître. Et là, pour la convection, pour l'ascension de l'air chaud, c'est la fin. Ça s'arrête et donc il y a cet étalement et l'arrêt vers 10, 11, 12 kilomètres. Beaucoup plus aux latitudes tropicales. La tropopause, J'y venais. Allez-y. La tropopause, elle est chez nous vers une douzaine de kilomètres, mais aux latitudes tropicales, elle monte à 15-16 kilomètres. C'est pour ça que c'est sous ces latitudes-là, donc entre les deux tropiques, qu'on observe les évolutions les plus extraordinaires, ces tours verticales de cumulonimbus qui donnent des orages évidemment extrêmement puissants. Il y a un autre phénomène dans les régions tropicales qui peut être à l'origine des orages, c'est quand une masse d'air chaude rencontre une masse d'air froide, et ce du fait de la rotation de la Terre et des mouvements d'air atmosphérique. Oui, là j'ai simplifié en parlant d'une cellule d'air isolée, mais donc ça c'est une convection locale qui peut être liée d'ailleurs par exemple à la présence d'un relief. Qui induit le soulèvement de la masse d'air. Mais dans d'autres cas, c'est effectivement la rencontre entre une masse d'air froid et une masse d'air très chaud. La masse d'air froid, elle agit comme une sorte de coin et elle soulève la masse d'air chaud. Et là, ce qu'on génère dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle en Afrique une ligne de grain, enfin en Afrique et ailleurs, mais ça a été beaucoup étudié en Afrique. Ça génère donc des chapelets de cumulonimbus le long d'une ligne et ça donne des photographies extrêmement impressionnantes. On va remettre encore une fois quelques-unes. Effectivement, ce sont des très très belles photographies de ces gros nuages que l'on peut observer entre les deux lignes tropicales. Alors avant de parler de l'électricité, puisque c'est ce qui va nous occuper pendant la majeure partie de cette émission, parlons un peu de l'orage en tant que tel. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces cumulonimbus entre le bas et le haut pour que l'orage, c'est-à-dire la pluie ou la grêle, ne se déclenche ? Alors, donc là, on continue à ne pas parler d'électricité. On va en parler dans quelques minutes, c'est ça. On va parler donc d'hydrométéores. Mm-hmm. C'est un joli mot qui décrit en fait l'eau dans tous ses états, depuis les gouttelettes, les gouttes, le grésil, en anglais ou en allemand, je crois, on dit groppel. Donc, c'est des formes de cristaux de glace, mais non cristallins, justement. Et puis, les cristaux de glace, ceux que vous retrouvez dans la neige, finalement. Et en fait, ce qui va se passer à l'intérieur de ce cumulonimbus, c'est qu'il est animé par de très fortes ascendances. Et donc, c'est en particulier le grésil, ces tout petits morceaux de glace vont être pris dans ces ascendances et vont monter dans le nuage. Et au fur et à mesure de leur ascension, ils vont croître. Et c'est pour ça qu'ils vont devenir de véritables, d'abord petits grêlons, puis très gros grêlons. Et en fait, ils montent tant que leur poids leur permet de tenir dans l'ascendance. Donc, évidemment, il y a une compétition entre la gravité et ce mouvement ascendant. Mais dans certaines situations, l'ascendance est telle que le petit morceau de grésil initial devient un très gros grêlon qui génère des dégâts absolument épouvantables pour les biens, pour les récoltes, parfois pour les personnes. Puis il peut y avoir des blessés directement à cause de la grêle. Qu'est-ce qui détermine si un orage va être un orage de grêle ou une simple grosse pluie ? Alors, c'est clairement, parce que je vous ai parlé d'ascension, c'est clairement la taille et la puissance de ces courants d'air ascendants qui vont permettre à l'orage, mais tout est lié, ça veut dire c'est une taille, ça veut dire un contenu en eau important, parce que pour monter très haut, on l'a bien compris, il faut avoir un relais lié au contenu en humidité, donc tout est lié. C'est-à-dire qu'un orage puissant, il est grand, il monte haut en altitude et il génère très probablement de la grêle. Alors après, peut-être des petites nuances selon les conditions de température locale. Mes collègues de Météo France seraient sûrement plus précis que moi sur cette question-là. Et pour dire un dernier mot de cette mécanique météorologique, qu'est-ce qui fait qu'un orage arrive à son terme ? Parce que ça pourrait finalement être un système de convection du flux chaud ascendant vers un courant froid descendant, presque continu. Pourquoi est-ce que ça s'interrompt ? Oui, il finit toujours, à un moment donné, par rencontrer des conditions moins favorables à la convection, pardon. Mmh. Et donc, dans ce cas-là, progressivement, on assiste d'ailleurs à un effondrement de la cellule sur elle-même, qui génère des forts courants descendants vers le sol, qui sont d'ailleurs extrêmement dangereux pour les avions. Et on l'a beaucoup étudié avec mes collègues de l'ONERA, avec nos collègues américains. On a étudié ce qui se passe en fin de cellule, où ces courants d'air descendants liés à l'effondrement de la cellule génèrent des vents, des sortes d'inversions de vent près du sol, ce que détestent tous les avions. Ils aiment bien savoir dans quoi ils décollent, que ça reste stable et continu. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h10, maintenant que nous avons évoqué les conditions météorologiques de la formation de l'orage, de la grêle ou de la pluie. Nous allons parler du cœur, nous allons rentrer dans le cœur de l'orage et dans le cœur de la tourmente, c'est-à-dire les phénomènes électriques et électromagnétiques qui accompagnent ces orages. Les éclairs, mais vous allez voir que les éclairs ne sont qu'une forme de ces phénomènes qui sont multiples et captivants, qui se passent à l'intérieur et en dessous et au-dessus de ces nuages d'orage. On l'a dit, et je l'évoquais au tout début de cette émission, les éclairs et la foudre fascinent depuis l'aube de nos civilisations. Elles ont même donné naissance à des vocations, comme celle de chasseurs d'orage. Bonjour Mathieu Lefrançois. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes allé précisément à la rencontre de l'un de ces chasseurs d'orage. Effectivement, avec Antoine Beauchamp, nous sommes partis rencontrer quelqu'un que vous connaissez bien, de Bondiou, puisqu'il a signé la photo de couverture de votre livre « Terre d'orage ». Depuis plus de 10 ans, Basile Ducournau effectue des milliers de kilomètres chaque année à la poursuite des orages. Cieux sous tension, c'est le nom de son site internet. Il y documente en photo et en vidéo ses différentes sorties. Je lui ai demandé de nous expliquer quelles étaient ses techniques justement pour repérer ses cibles et immortaliser les éclairs. Comment en vient-on à devenir chasseur d'orage? Bonne question. Je pense que c'est une passion comme beaucoup de choses. Ça peut démarrer très tôt, en l'occurrence pour moi c'est le cas, ça a démarré très tôt, ça a commencé dans la petite enfance on va dire. Comment vous déterminez les zones où vous allez avoir envie de vous déplacer? Il y a effectivement beaucoup de cartes qui sont à notre disposition. Là, en l'occurrence, on peut avoir des cartes de France pour la zone qui nous intéresse ces temps-ci. Donc on peut voir qu'il y a une canicule assez intense, assez proche des records pour le mois de juin en ce moment. Donc là, on a accès à différentes données, comme les cartes de température, les cartes de point de rosée, qui là encore est une donnée, le point de rosée qui est une donnée très importante pour la prévision des orages, les cartes de pression, de vent au sol, donc toutes ces cartes-là, on va s'en servir en temps réel pour déterminer l'évolution des conditions, savoir si elles sont raccord avec avec ce qui était prévu par les modèles. Au satellite, en fait, on reconnaît les orages par des espèces de grosses taches blanches assez marquées, assez épaisses. Quand on voit ça sur la carte, on sait qu'on peut se diriger vers cette zone-là. Et on a les cartes de foudre aussi en temps réel, donc on peut voir toutes ces zones-là un peu violacées. On peut voir que des orages assez récents, assez neufs, évoluent dans ce secteur. Quels sont les instruments que vous utilisez? Beaucoup de focales fixes, parce que les focales fixes permettent de bien rendre hommage au phénomène de l'orage, notamment pour la foudre, pour avoir des détails assez précis, assez fidèles. Donc là, on a par exemple un 14 mm qui nous servira plutôt à capturer des scènes en très grand angle dans le cas d'un orage assez proche, pour essayer justement de capturer tout le gigantisme finalement de la structure de l'orage. On a ici par exemple un 85 qui sera plutôt idéal pour mettre en valeur des chutes de foudre assez éloignées à 10 ou 15 km. Donc chaque objectif a un petit peu son rôle. Comment fait-on pour déclencher au bon moment ? La foudre est assez difficile à capturer pour différentes raisons. Moi, j'ai investi dans un petit matériel. On appelle ça une cellule infrarouge, en fait, qui se rattache, en fait, finalement, qui se vise sur le sommet de l'appareil photo. Et on a cette petite griffe qui vient se brancher sur le boîtier, et voilà, on l'allume, on essaie de la régler en fonction des paramètres ambiants, et voilà, dès qu'un éclair va se produire, la cellule va instantanément déclencher le boîtier. Il faut savoir que ce type de boîtier fait déclencher l'appareil photo en 8 ou 9 microsecondes, ce qui est excessivement rapide et ce qui est largement suffisant en fait pour avoir l'éclair sur la photo. J'ai vu que vous étiez parti aux États-Unis. J'y suis allé 4 fois, enfin 4 années en fait, entre 2012 et 2016. Effectivement, en 2014 et 2015, j'ai tourné 2 documentaires pour essayer justement de retranscrire un petit peu les ambiances et les conditions météorologiques qu'on pouvait avoir dans les grandes plaines américaines, et en l'occurrence dans les étendues de la Tornado Alley, qui porte évidemment très bien son nom, pour justement montrer les phénomènes orageux et tornadiques très très intenses qu'il pouvait avoir sur ces secteurs-là. À chaque fois, je suis resté à peu près un mois, c'est entre mi-mai et mi-juin. Et je pense que c'est assez dangereux de chasser seul, dans le sens où il faut gérer la conduite, la prévision, les cartes en temps réel, la prise de vue en image, et c'est un peu difficile aussi d'évoluer dans un contexte orageux, d'avoir toujours les yeux tournés vers le ciel et non pas vers la route. Donc c'est beaucoup plus simple et beaucoup, beaucoup moins épuisant et beaucoup moins dangereux de se partager les tâches et d'être au moins 3, chacun avec son rôle. Est-ce que vous auriez des sons à nous faire entendre? Des sons... Alors, des sons. L'année dernière, on avait eu une averse de grêle assez, assez violente. Des grêlons assez, assez importants, qui faisaient 5 ou 6 cm de diamètre. Donc, ouais, il y en avait assez peu. Voilà. Alors, on dirait de la neige, mais c'est beaucoup plus gros. De temps en temps, on entend un grêlon sur la carrosserie. Putain, le arc-en-ciel là! Vas-y, arrête-toi là, s'il te plaît. Viens, on va. Il y a beaucoup de réactions assez épidermiques, finalement. Quel est votre meilleur souvenir? Des souvenirs, je pense qu'il y a, des souvenirs photographiques, comme d'avoir réussi à capturer une photo d'un éclair qui tombait dans l'exacte continuité d'une route au Nouveau-Mexique. Ça, c'est un très bon souvenir photographique, mais je pense que le vrai souvenir impérissable par rapport à une situation que j'ai vécue, c'était vraiment le 24 mai 2016, où j'ai vécu en fait une douzaine de tornades en une seule journée, parfois certaines très très proches. Ça remet plein de choses en perspective, et je pense qu'on comprend les choses, on ressent les choses très différemment après avoir vécu ce genre d'événement. Et votre prochaine sortie, ce sera quoi du coup? Aller à la rencontre d'un phénomène qu'on appelle la monsoon, qui est en fait un phénomène, l'occurrence d'orage assez électrique, voire particulièrement électrique, c'est même ce qui en fait leur caractéristique principale à la saison du printemps et tout au long de l'été dans le sud-ouest des États-Unis, au Nouveau-Mexique ou en Arizona. Voilà Basile Ducournau interrogé par Mathieu Lefrançois, dont c'était l'épreuve du feu. Vous pouvez retrouver les sublimes clichés de Basile Ducournau sur son site Cieux sous tension, dans le livre également co-signé par Anne Bondiou, Terre d'orage, et puis cette très belle photo qu'il évoquait à l'instant avec cet orage exactement aligné sur la route qu'on vient de poster sur le fil Twitter de l'émission. Des réactions au reportage, bon, vous connaissez le travail évidemment, donc puisqu'il a illustré votre livre de Basile Ducournau, Anne Bondiou. Oui, c'est un travail magnifique et talentueux. Et moi, ce que j'aime bien chez Basile, c'est qu'il a développé une vraie curiosité. Il n'était pas scientifique de formation, mais il s'intéresse de très près. Il lit, il essaie de comprendre. Et il y a quelque chose de très, très intelligent dans sa façon de travailler, que moi, j'aime beaucoup. Christophe Bastien-Thierry, vous disiez qu'il y a maintenant désormais aussi des chasseurs de sprites. Voilà, donc les sprites, c'est des phénomènes physiques lumineux qui se développent au-dessus des orages, dans certaines conditions. Alors à l'échelle humaine, c'est vraiment fantastique, hein, ça peut faire plusieurs dizaines de kilomètres de haut, 60, 80 dans certains cas, plusieurs dizaines de kilomètres de large, donc c'est comme si toute la région parisienne d'un coup s'embrasait. Alors c'est quelques millisecondes, mais c'est phénoménal comme énergie. Et donc maintenant, il y a aussi des chasseurs de sprites, puisqu'on peut les voir à l'œil nu. Bon, il faut être bien préparé pour cela, mais c'est possible. Et maintenant, il y a des photographes professionnels qui recherchent aussi à faire des clichés, là aussi, magnifiques, de sprites. Alors c'est moins dangereux, parce que là, on n'est pas sous l'orage, il faut être en retrait de l'orage. Et par exemple, s'il y a des sprites qui se développaient au-dessus de Paris, des Pyrénées, on pourrait les voir. D'accord. Et on parlera tout à l'heure, on dit des sprites, on appelle ça des cils en français. C'est précisément le but d'observation de la mission Taranis sur laquelle vous travaillez pour le Centre National d'Études Spatiales, sur lequel on va revenir dans quelques instants. Mais avant, on évoquait tout à l'heure la vocation et la fascination qu'exercent les éclairs et les orages depuis l'aube des civilisations. Ça pose aussi la question de votre vocation à l'un et à l'autre. Pourquoi est-ce qu'on commence à s'intéresser aux orages et aux éclairs, par exemple, Anne Bondiou? Moi, je peux, très honnêtement, je ne peux pas parler de vocation. Ça a été un petit peu hasard. J'avais fait des études d'ingénieur et j'avais fait une thèse sur les arcs électriques. Et à partir de cette thèse, j'ai rejoint une équipe de chercheurs à l'ONERA, donc l'Office National d'Études et Recherches Aérospatiales, puisque, c'est important de le souligner, l'intérêt scientifique dans la dernière dernière partie du XXe siècle pour ces phénomènes-là, elle a principalement émergé dans les grands pays aéronautiques parce que l'orage, la foudre, était constitué des dangers pour tout ce qui volait. Enfin, j'y reviendrai peut-être. Et donc, c'est en rentrant dans cette équipe que j'ai pu à la fois faire des travaux de nature théorique. J'ai eu la chance de rencontrer des théoriciens avec lesquels on a tenté de faire des modèles prédictifs de l'éclair pour essayer de prédire ce qui pouvait se passer sur un avion au moment d'un foudroiement. Mais également, j'ai fait pas mal d'études expérimentales et j'ai passé, pas tout à fait comme Basile, mais je souriais en l'écoutant, un mois et demi en Floride en particulier, avec des équipes américaines pour faire des études in situ des orages. Mmh. Christophe Bastien-Thierry, pour votre part, cette passion pour l'orage, pour cette mission du CNES. Donc, comme Anne, je suis ingénieur de formation et le CNES en fait propose des outils spatiaux au service de la communauté scientifique. Donc moi je ne suis pas scientifique, je ne suis pas tombé dans l'orage quand vous étiez petit, quand j'étais petit. Vous n'avez pas été foudroyé par la passion. pas du tout. Et donc en fait voilà, donc il y a un processus de sélection des sujets proposés par les scientifiques. En l'occurrence, c'était le CEA Dame avec Elisabeth Blanc qu'Anne connaît, je crois, qui avait proposé au CNES dès la fin des années 90, donc très peu de temps après que ces phénomènes au-dessus des orages fussent découverts. Donc Elisabeth a proposé au CNES une mission pour s'intéresser par le dessus avec un ensemble d'instruments, on le redira, tout à fait complet et cohérent pour mieux comprendre la formation de tous ces phénomènes. Donc à ce moment-là, j'ai travaillé sur un autre projet, on m'a proposé celui-là et en fait j'y travaille depuis le début, donc depuis, pour ma part, depuis 2005. Mais avec un lancement prévu en 2018, on y reviendra tout à l'heure et puis on va voir que ces découvertes faites sur les phénomènes électromagnétiques au-dessus des orages ont complètement bouleversé la conception même qu'on avait des orages. Mais parlons dans un premier temps de ce qui se passe en dessous. On a entendu la distinction entre les éclairs et la foudre, c'est une distinction toute bête, mais il faut la refaire, Anne Mondiou. Oui, alors bon, pour un physicien spécialiste, ce qui fait sens, c'est l'éclair. La foudre, c'est un terme beaucoup plus générique qui, je pense, dans le langage populaire, en plus, ça varie un peu selon les langues. La foudre englobe un peu l'ensemble du phénomène, c'est-à-dire le phénomène lumineux et sa manifestation sonore qui est le tonnerre. Comment un nuage, comment ces grands cumulonimbus qui sont si longs, hein, qui font plus d'une dizaine de kilomètres de haut, comment est-ce que ça s'électrise? Quels sont les phénomènes physiques qui se produisent à l'intérieur? Alors ça, c'est évidemment ce qu'on a compris finalement relativement tard. Ce qu'on sait depuis plusieurs décennies, c'est qu'il existe à l'intérieur d'un nuage d'orage des zones chargées. Il y a en particulier vers 4-5 kilomètres une zone de charge négative, charge électrique négative, et tout à fait en haut du nuage, vers 8-10 kilomètres, une zone de charge positive. Ça, on le sait depuis quelques décennies, je dirais depuis qu'on est capable de faire des mesures de champ électrique à distance, voire même d'envoyer des sondes dans le nuage. Ce que je vous donne là, c'est une description très simplifiée. Il y a d'autres poches secondaires, mais enfin, disons, la géométrie est là. Voilà, les grands phénomènes sont ceux-là, ce qui génère à l'intérieur du nuage un champ électrique. Et on voit bien que c'est dans ce champ électrique qu'on va pouvoir développer des éclairs comme ceux, évidemment, en bien plus grande échelle, mais comme ceux que vous pouvez voir s'initier et se développer dans des expériences au Palais de la Découverte ou ailleurs. Simplement, déjà, première question, d'où viennent ces charges électriques? Et là, il y a eu des controverses pendant des années. Et c'est vraiment qu'au début des années 2000 que les scientifiques ont commencé à tomber à peu près d'accord sur ce qu'on a appelé un modèle collisionnel. J'ai dit tout à l'heure, l'eau, elle est dans tous ses états. Il y a des cristaux, il y a des gouttelettes et il y a du grésil. Et on s'est aperçu que dans tous ces mouvements convectifs, il y avait des collisions entre cristaux de glace et petites particules de grésil. Et que c'est au moment de cette collision qu'il y a, par des phénomènes vraiment ayant trait à la physique de l'interface air-glace, qu'apparaissaient à cet endroit des charges électriques. Et là où c'est particulièrement subtil, c'est qu'on s'est rendu compte, grâce à des expériences en laboratoire, que selon la température, c'est-à-dire l'altitude où ce mécanisme de collision intervenait, l'échange de charge se faisait en sens opposé. C'est pour ça qu'à certaines altitudes, et donc à certaines températures, on a plutôt des charges négatives, et à d'autres, plutôt des charges positives. C'était déjà un petit peu compliqué, et ça fait déjà appel, je voulais juste souligner ça, tous ces phénomènes-là ont pour caractéristique de nous obliger à réfléchir sur des échelles de dimensions extrêmement vastes. Le phénomène initiateur, cet échange de charges, au se produit atomique. À une échelle submicronique. Mmh. Et puis quand on doit penser le nuage et la distribution de champs électriques, il faut penser échelle kilométrique. Christophe Bastien-Thierry. Mais c'est tout à fait ce champ électrique qui se crée très brutalement au sommet des nuages quand une décharge a lieu entre le nuage et le sol, qui va créer une différence de potentiel énorme entre donc le haut du nuage et l'ionosphère. L'ionosphère, c'est en 90-100 km. Et dans cet espace de 90 km de haut, va se créer comme une sorte d'accélérateur de particules qui, avec le rayonnement cosmique qui est là, hein, qui vient du Soleil, de par ailleurs, va créer ces conditions de réaction en chaîne qui vont créer ces phénomènes, ces sprites, ces TGF, ces flashs gamma dont on va parler tout à l'heure. C'est-à-dire tout le reste des phénomènes qui se passent au-dessus du nuage, mais à l'intérieur, au niveau atomique, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est cette friction qui arrache des électrons et qui ionise en fait, parce que l'air est isolant a priori. Donc attendez, là on reparle. On repart du de nuage. L'intérieur, c'est ça. Oui, on repart. Là, je crois qu'on on était parti au-dessus, mais là on retourne à l'intérieur. Redescendons à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, c'est ça. C'est-à-dire que l'air est a priori isolant. Qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un état d'isolant à un état ionisé? Oui, alors effectivement, ce que vous voyez un éclair est donc la même chose que un certain nombre de petites étincelles que vous pouvez observer dans divers contextes. Donc c'est la réponse de l'air finalement à un stress électrique supérieur à une limite physique qui est bien connue, qui est la pression atmosphérique, et de 25 000 volts par centimètre. Donc on peut se dire, bah finalement c'est ça qui se passe dans le nuage, on dépasse ce champ-là. Alors malheureusement c'est un peu plus compliqué que ça, parce que ce champ-là n'existe pas dans le nuage. On est beaucoup plus faible que ça, puisqu'on ne dépasse pas à peu près 1 kV par centimètre, c'est-à-dire 25 fois moins que ce champ de claquage. Donc qu'est-ce qui se passe? Et là justement, enfin, j'en parlais tout à l'heure avec mon collègue du CNES, là il y a des choses qui intéressent pas mal les physiciens des hautes énergies, parce qu'on a un petit moment, dès que l'éclair commence à se former et commence à se propager, on est dans une physique qu'on connaît. Mm-hmm. Mais tout le début, comment on passe d'un champ électrique finalement important mais pas si énorme au premier mécanisme d'ionisation, on a un peu d'incertitude. On pense, il y a deux grandes théories, soit au sommet des cristaux de glace, le champ électrique s'amplifie par effet de pointe. L'effet de pointe, c'est l'effet de paratonnerre de Benjamin Franklin. L'effet de paratonnerre, on y reviendra peut-être. Soit, c'est là que ça rejoint les physiciens des hautes énergies qui sont impliqués dans les décharges stratosphériques auxquelles s'intéresse la mission Taranis. Soit, il y a des électrons relativistes impliqués dans ces tout premiers phénomènes d'avalanche électronique dans un champ élevé, mais pas suffisant pour qu'on ait un claquage complet de l'air. Heureusement pour nous, d'ailleurs, je pense. C'est-à-dire qu'il manque effectivement cette pièce centrale. Alors, entre un nuage qui s'électrise doucement avec une charge répartie et le moment où d'un seul coup cette charge se concentre et ce qu'on appelle le claquage. Mais il y a une étude qui est sortie il y a peu de temps, qui a été publiée début mai, qui plaide pour la deuxième option, c'est-à-dire, et là je me retourne vers vous Christophe Bastien-Thierry, c'est-à-dire vers finalement l'implication des rayons cosmiques qui sont ultra énergétiques et qui déclencheraient en quelque sorte la réaction en chaîne vers l'éclair. Voilà, donc dans ces conditions électriques énormes, selon les conditions qui restent encore à comprendre, le rayonnement cosmique va agir. Et donc dans cet accélérateur de particules, des réactions en chaîne vont se produire, des phénomènes d'avalanche qui restent encore à comprendre. Il y a création même d'antimatière. Les chocs sont tels entre les atomes qu'il y a parfois création d'antimatière, alors qui va vite rencontrer de la matière. Donc il y aura désintégration de cette antimatière avec l'émission d'un photon avec une raie tout à fait caractéristique. Donc tous ces phénomènes-là sont vraiment encore à comprendre. Et donc la mission Taranis, son objet, c'est d'embarquer sur un satellite qui sera à peu près à 700 km d'altitude, toute une batterie d'instruments qui vont travailler ensemble, qui vont coopérer pour mesurer au moment du phénomène qui sera détecté à bord, pour comprendre et mesurer toute cette physique. Donc ça va de l'électromagnétisme au flash gamma, donc aux photons de très haute énergie, aux électrons relativistes. Et aux images aussi, on aura des caméras et des photomètres. Donc, et après, au sol, les scientifiques pourront essayer, avec les modèles, avec les théories qui sont sous-jacentes, essayer de corréler tout ça et améliorer la connaissance sur ces sujets. C'est-à-dire qu'on se rend compte effectivement depuis très peu de temps, c'est-à-dire depuis quelques années, quelques dizaines d'années, que les orages et les éclairs mettent en jeu des niveaux de physique fondamentale, de physique des particules et de réactions électromagnétiques extrêmement complexes et qui ont à voir aussi avec la cosmologie, l'astrophysique. Oui, alors c'est vrai quand il s'agit donc c'est de ces mécanismes d'initiation extrêmement primaires au début de la formation de l'éclair. Dès que on a une décharge, qu'on retrouve des phénomènes assez classiques dans les plasmas, on sait d'ailleurs simuler en laboratoire des choses. Le problème, c'est ce tout début où on est dans un nuage où finalement il n'y a pas de raison d'atteindre localement des champs très élevés. Sauf d'ailleurs si on y met un avion. Et d'ailleurs, comprendre comment le foudroiement est généré à partir d'un avion, là, il n'y a pas de mystère du tout. On a instrumenté des avions depuis le début des années 80. On a instrumenté des avions de mesure, on les a fait voler dans des orages, on les a équipés de perches pour être absolument sûr qu'ils se feraient foudroyer. Et on a disposé un certain nombre d'instruments. Et là, on comprend vraiment bien, on maîtrise. À l'ONERA, il y a eu des modèles théoriques prédictifs qui ont été développés maintenant depuis 20 ans. Donc ça, on comprend extrêmement bien. Encore une fois, ce qu'on ne comprend pas très bien, c'est ce qui se passe dans le nuage quand il n'y a rien à l'intérieur et que peut-être par l'effet de ces électrons relativistes accélérés dans un champ qui, lui, est lié à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, hein, les grandes couches de charge, tout. Des choses de physique très traditionnelles. Là, il y a probablement peut-être une petite pitchonnette qui génère le mécanisme initiateur. D'ailleurs, ce qui est intéressant par rapport à l'aéronautique et à l'aviation, c'est qu'on sait maintenant que les avions qui fonctionnent comme des cages de Faraday se font foudroyer. Pas tout à fait. Moins maintenant. Moins maintenant qu'avant. En composite. Mais c'est d'ailleurs un des défis pour faire des avions plus légers en composite, c'est de garder quand même un système de protection. Donc, on utilise des sortes de maillage pour que le composite soit pas seul dans l'aérostructure. Il y a un autre effet assez intéressant parce que c'est un effet précurseur de l'éclair qu'on voit particulièrement dans les avions et qu'on voyait aussi au sommet des navires. Ce sont les feux de Saint-Elme. Expliquez-nous ça, mon Dieu, c'est intéressant. Alors, les feux de Saint-Elme parce que ça nourrit des légendes de marins pendant des siècles. Absolument. Puis c'est très joli et puis c'était un précurseur et on savait bien, les marins expérimentés savaient bien que ce qui arrivait ensuite était en général un gros très plaisant. Mais voilà. Donc les feux de Saint-Elme, alors là par contre on connaît bien, hein, c'est ce qu'on appelle de l'effet corona. L'effet corona, vous pouvez le voir aussi dans un certain nombre d'expériences, toujours dans les musées comme le Palais de la Découverte, où on voit ces sortes de halos lumineux autour d'une pointe portée à un certain potentiel. C'est vraiment les mécanismes primaires d'ionisation, ça reste localisé, ça ne se transforme pas en arc qui part se propager dans la direction du champ électrique. C'est vraiment de l'effet couronne et on le voit effectivement sur les avions, sur les ailes des avions quand on traverse un orage. Alors maintenant qu'on est dans l'éclair, on va détailler un peu ce qu'on sait bien et ce que la physique a extrêmement bien décrit, extrêmement bien compris. Et c'est d'ailleurs visible, c'est magnifique. On va mettre ça en ligne, des vidéos d'éclairs filmés au très très très ralenti à 7000 images par seconde. Il y a donc ce claquage, hein, c'est-à-dire que l'éclair s'allume, il y a eu comme une étincelle d'un seul coup. Et la première chose, ce sont d'abord ce qu'on appelle des traceurs qui se déploient. Oui. Alors, toujours cette physique, je le rappelle, hein, qu'on a quand même beaucoup compris grâce aux expériences menées aux États-Unis et en France avec des avions instrumentés. Parce que finalement, l'avion, il était au cœur de l'éclair et permettait de mesurer les variations de courant, de champ électrique, de champ magnétique au moment du phénomène. Donc en fait, on a compris effectivement que ce qui se passe, après le mystérieux début qu'on va mettre un peu entre parenthèses, ce qui se passe, c'est qu'il se propage ce qu'on appelle un traceur, qui est en fait une double arborescence. Il faut imaginer un arbre avec ses branches et ses racines, donc un double entrelac finalement, qui progresse dans une partie dans le sens du champ électrique, une partie dans le sens opposé du champ électrique. Et ça, c'est le traceur. Ça transporte un courant relativement faible, de l'ordre de 100 ampères. Et ensuite, deux possibilités. Soit il rencontre le sol, et là, il va s'établir un court-circuit entre le haut du traceur et le sol. Et donc, là, un courant extrêmement intense. C'est ce qu'on appelle l'arc de retour. C'est ce qu'on appelle l'arc de retour, absolument. C'est l'éclair à proprement parler. Hein. C'est l'éclair, qu'on appelle l'éclair qui tape le sol. Familier. C'est la foudre. C'est celui qui nous est familier. Mais dans la plupart des cas, le traceur se promène en été dans le nuage et rencontre des discontinuités de champ électrique. Là aussi, les modèles sont pas tous complètement d'accord. Et à ce moment-là, se forme une sorte, comme un arc en retour. C'est pas la Terre qui l'a touché, mais c'est une discontinuité de potentiel. Et donc, il génère là aussi un arc en retour. Et ce qui est intéressant avec ces phénomènes d'arc en retour, là aussi, c'est en cours d'élucidation, mais pas complètement compris, c'est qu'il n'y en a jamais un seul. Il y en a plusieurs. Et si vous êtes en mesure un jour d'observer bien un orage depuis votre fenêtre, vous verrez que cet arc entre le nuage et le sol, en fait, il scintille. Et il scintille parce que la persistance rétinienne n'est pas suffisante pour vous voyez, suffisamment courte pour vous voyez tous ces arcs, mais ils sont parfois 5, 10, 15 de suite. Donc c'est plusieurs pics de courant, en réalité, qui circulent au pied de l'arc. Un mot encore pour dire qu'on a dit, le nuage est chargé négativement vers le bas, positivement vers le haut. La plupart des éclairs sont des éclairs négatifs. Oui. Mais il existe aussi quelques éclairs positifs, c'est-à-dire qu'ils partent du haut du nuage. Oui. On comprend ce phénomène bien ? Oui, on les comprend bien. Simplement, ils partent de plus haut dans le nuage. Ils sont en général plus puissants. Ce sont eux qui charrient le plus de courant et qui sont donc les plus dangereux, les plus dévastateurs. Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, yeah. Écouter le morceau jusqu'au bout, c'est même difficile de parler sur Riders on the Storm, des Doors, indispensables Doors quand on évoque les orages tout au long de cette heure. Il est déjà 16h39, vous écoutez bien sûr La Méthode Scientifique sur France Culture. Nous parlons donc des orages, des éclairs et de tous les phénomènes électriques et électromagnétiques qui se produisent au cours d'un orage. Vous allez voir que les éclairs n'en sont qu'un seul. Nous en parlons avec Anne Bondiou, qui est physicienne, directrice des affaires R&D Espace Environnement au groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales et co-auteur de Terre d'Orage voyage au CNRS Édition avec Jean-Louis Fellous. Et nous en parlons également avec Christophe Bastien-Thierry, qui est ingénieur chef de projet de la mission Taranis du CNES, dont nous allons enfin parler. On l'évoque comme ça en pointillé depuis le début de l'émission. C'est le moment d'entrer dans le vif du sujet, puisque, comme nous l'évoquions tout à l'heure, outre les éclairs, il y a de nombreux autres phénomènes qui se produisent, eux, au-dessus des nuages. On parle de TLE pour Transient Luminous Events ou de TGF pour Terrestrial Gamma Ray Flash. Et ce sont donc ces phénomènes, c'est pas ces deux phénomènes, parce qu'il y en a beaucoup plus que ça, on va le voir, que va étudier la mission Taranis du CNES pour laquelle vous travaillez, Christophe Bastien-Thierry. Expliquez-nous déjà un peu, alors vous nous l'avez dit, hein, les grands traits de cette mission, mais expliquez-nous un peu quelles sont les dates, quelles sont les échéances de cette mission, qui est une mission qui va nous apprendre beaucoup et permettre de mieux comprendre encore une fois beaucoup de ces phénomènes qui sont pour le moment encore un peu mystérieux pour la physique des hautes énergies. Voilà, donc la communauté scientifique a demandé au CNES dès le début des années 2000 de s'intéresser à ces phénomènes. Il y a eu des missions précursives sur l'ISS avec Claudie Henneret. Mais là, la question c'était d'avoir un satellite, donc une machine automatique à 700 km d'altitude, complètement dédié à l'étude de ces phénomènes pour les observer par le dessus. Parce qu'on peut les observer de la Terre par le travers, en regardant l'horizon, de montagnes, d'autres points de ce type-là. Mais l'intérêt, là, c'était de les voir par le dessus pour pouvoir mesurer tout ce qui se passe à la verticale de ces phénomènes, sachant que ces phénomènes se transmettent aux altitudes au-delà de l'atmosphère, hein, puisque ça va jusqu'à donc 700 km d'altitude. Alors, le Taranis, outre le fait d'être le dieu de la foudre dans la mythologie celtique, rappelons-le, pas seulement pour les lecteurs d'Astérix, pour les autres aussi. Voilà, le devin, Astérix le devin. Donc, Taranis, dieu de la foudre. Les Gaulois n'avaient qu'une peur, c'était que le ciel leur tombe sur la tête, et encore, ils ignoraient à cette époque-là tous les phénomènes qui se passaient au-dessus de leur tête. Alors parlons précisément de ces phénomènes. On parlait des sylphes tout à l'heure. C'est peut-être celui qui est aujourd'hui le mieux connu, pas tout à fait. On connaît bien les elfes aussi. Commençons par les sylphes. Les sylphes ou les sprites en anglais. Sprites, hein, peut-être. Le sprite raconte un peu plus peut-être de l'énergie, de la force de ces phénomènes qui sont très très violents, on l'a vu, très brefs aussi, hein, donc c'est quelques millisecondes, c'est beaucoup moins qu'un éclair, hein, qui peut durer jusqu'à peut-être une seconde, deux secondes. Une seconde, mais avec un courant très très discontinu, hein, voilà, j'ai dit, c'est une succession d'arcs, donc c'est une seconde, mais pas une seconde pleine. Donc les premiers à en avoir parlé, c'était les pilotes, hein, qui bien sûr de nuit voyaient ces phénomènes, mais sans que ça corresponde à quelque chose de connu, donc ils en parlaient, mais on les croyait pas, ils ont fini par ne plus en parler, jusqu'au jour où, par chance, soit un cliché fait au sol par un astronome amateur qui voulait prendre des images. Donc on a vu ces phénomènes marqués sur la pellicule. Et c'était à la fin des années 80. Voilà, 90 dans ces 90, oui. Et donc, on s'est intéressé à toute cette zoologie, hein, des ailes, des farfadets, des halos, qui se développent à différentes altitudes. Ça ressemble à quoi un sprite, par exemple? Alors, un sprite, ça peut être représenté par une méduse, mais de manière très brève, qui s'expand vers le haut, qui parfois redescend. Il y a des tas d'images qui ont été faites au sol avec des caméras rapides, hein, que l'on peut peut-être... qu'on va mettre tout à fait, on va tout à fait mettre ça en ligne immédiatement. C'est très très beau, c'est vraiment spectaculaire, c'est très bref. Mais voilà, à l'œil nu, on peut les voir. Et de manière parallèle à ce constat fait dans les années 90, des satellites d'observation gamma, donc qui s'intéressaient aux flux gamma de l'univers, les grands phénomènes de gamma de l'univers, ben on s'est aperçu que ces satellites, quand ils passaient derrière la Terre, de temps en temps, recevaient des bouffées de rayons gamma, donc des photons de très haute énergie. Et ça, c'était complètement inattendu, improbable. Et par corrélation, on a vu que c'était lié à des zones orageuses. Et donc, on a fait le rapprochement avec ces phénomènes lumineux qui avaient été découverts donc, pratiquement simultanément. Et donc, une grande partie de la communauté scientifique, donc le CEA, d'autres laboratoires en France et à l'étranger, il y avait une coopération au départ avec le Los Alamos National Laboratory. Donc, cette communauté a demandé au CNES de leur dessiner, définir, développer une mission spatiale donc, qui s'appelle Taranis, dieu de la foudre. C'est un acronyme, mais je n'ai pas... Est-ce que je l'ai là, quelque part? Oui, je dois l'avoir quelque part, c'est très long. Oui, oui, c'est un outil pour l'analyse des radiations, voilà. Des éclairs. Et tout. Ça, c'est en français, ce sera plus simple. Sera plus simple, voilà. Oui. Parlez-nous un peu, parce qu'il y a quelques phénomènes qu'on connaît tout de même un tout petit peu mieux que les autres, mais puisque vous évoquiez les TGF, hein, donc les Terrestrial Gamma Ray Flash, on parle effectivement de phénomènes qui sont extrêmement violents, jusqu'à 30 gigaélectronvolts, hein, c'est des niveaux d'énergie qui sont comparables aux émissions gamma solaire. Oui, alors ça reste mesuré. Les instruments de Taranis n'iront peut-être pas jusqu'à ces niveaux d'énergie-là. On ira jusqu'à 10 millions d'électronvolts, mais c'est déjà considérable. Et effectivement, ces phénomènes intéressent, au-delà de la communauté scientifique, intéressent aussi la DGAC. On en parlait avec Anne tout à l'heure. Le CEA, évidemment. Le CEA, pour d'autres raisons. Dans Taranis, oui. Mais ça peut être des bouffées de flash gamma dangereuses pour les instruments, mais aussi pour les personnels. Donc, on a tout intérêt à mieux connaître d'où partent ces flashs. On sait que ça part vers le haut, mais à quelle altitude? On se demande si c'est pas maintenant 10 km, peut-être un peu moins. Donc, des altitudes qui pourraient être celles d'avions. Alors, les avions de ligne, on sait, évitent les orages. Mais il y a des avions militaires, des avions, les jets privés qui parfois, pour s'économiser des détours, passent au-dessus des orages et pourraient peut-être rencontrer ces flashs. C'est un grand intérêt. Ce sont des phénomènes qui sont également mesurables lors d'explosions nucléaires, de niveau. Ça peut correspondre à des explosions nucléaires. Hein. C'est pour ça que le CEA, Direction des Affaires Militaires, est à l'initiative du phénomène, puisque eux ont la charge de surveiller tout ce qui pourrait ressembler à une explosion nucléaire pour l'application des traités de non-prolifération. Bien sûr. Donc c'est ça au départ avec Los Alamos National Laboratory que la coopération s'est installée pour étudier tous ces phénomènes. Et on a une idée des mécaniques de physique de haute énergie qui sont à l'œuvre pour ces explosions de rayons gamma violentes localisées. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas tout à fait mon domaine, hein, mais il y a plusieurs théories qui sont proposées. Qui vont s'affiner et les mesures qui seront faites in situ par une mission comme Taranis permettront de trancher et d'affiner ces théories. Hein. Donc c'est des accélérations, des phénomènes de réaction en chaîne qui se développent de manière lumineuse et par radiation. Anne Bondiou, sur ces explosions de rayons gamma qui sont très surprenantes, très violentes et très très puissantes surtout. En plus, moi je trouve ça tout à fait passionnant de se dire que un grand nombre de siècles après les premiers physiciens qui ont tout de suite regardé les orages, on a encore des zones à explorer, on a encore des mécanismes à comprendre. En tout cas, c'est tout à fait intéressant et je pense que pour les physiciens des hautes énergies, c'est un joli champ d'investigation. Et ça veut dire que l'intérêt scientifique sur ces phénomènes naturels dont on pourrait se dire finalement on les a un peu épuisés, il persiste. C'est plutôt une belle chose. Il y a un autre phénomène parmi ces multiples phénomènes dits TLE, Transient Luminous Event, qui lui est observé et relativement bien connu parce qu'il a pu être observé depuis l'espace, qui est le phénomène qui se passe le plus haut dans la thermosphère. Ce sont les ELF. Alors ELF, c'est pour Emission of Light and Very Low Frequency Perturbation from Electromagnetic Pulse Sources, qui en très très contracté donne ELF en anglais. Qu'est-ce que c'est que ces ELF? Alors ce sont anneaux de lumière qui se développent très très vite, hein, comme un disque qui s'expand de manière à la vitesse de la lumière. Ça peut atteindre très vite 300 km de diamètre. Ça, c'est assez fréquent. Je crois que les physiciens ont très bien compris ce phénomène. Hein. Je ne vais pas rentrer en détail parce que ce n'est vraiment pas ma partie, je dirais des bêtises. Mais ça, c'est assez bien connu et c'est très fréquent. Hein. Ça, c'est très fréquent. Alors, c'est plus diffus comme lumière. C'est plutôt des halos. Donc, c'est moins spectaculaire, mais ça existe. Hein. Oui, c'est lié à certains éclairs très puissants. Là, il y a un mécanisme de propagation très bien compris. Et évidemment, ce qui se passe à ces altitudes-là se passe dans un air très raréfié, où là, il suffit d'un champ impulsionnel finalement pas si énorme que ça pour déclencher la formation de plasma et de milieux ionisés et lumineux. Il y a d'autres petites manifestations qu'on appelle des gnomes, des trolls, des lutins, qui sont très petites, très brèves. Vous pouvez également nous en dire un mot. Pas forcément. Parce que donc les phénomènes dont on s'occupe forcément devront être très, très, très grands, puisqu'il faut qu'ils soient observés de 700 km d'altitude. Donc les petites choses qui peuvent arriver, donc on ne les verra pas, on ne pourra pas les détecter. Mais il y a déjà, je pense, suffisamment à trouver et à regarder et comprendre pour ne pas s'intéresser forcément à ces petites choses. Un mot également sur cette légende qui elle aussi a parcouru la littérature jusqu'à la bande dessinée franco-belge. Cette fameuse foudre en boule qui emporte jusqu'au plafond le professeur Tournesol. On a longtemps cru que c'était une légende, pareil, on avait du mal à la formaliser. Or aujourd'hui, ça a été observé, ça a été reproduit en laboratoire, Anne Mondiou. Alors, Oui, il y a de très nombreux témoignages, alors certains assez sérieux, d'autres un petit peu fantaisistes. Moi, je me souviens ce qui me frappait au tout début de l'époque où j'ai travaillé sur la foudre, c'est que ce qu'on décrit dans la foudre en boule, finalement, c'est l'inverse d'un éclair. Un éclair, c'est quelque chose de filamentaire, qui va extrêmement vite et qui dure très peu de temps. Et la foudre en boule, c'est rond, ça se déplace à la vitesse d'un courant d'air et ça se promène tranquillement pendant plusieurs dizaines de secondes. C'est-à-dire, c'est vraiment l'opposé de tous les mécanismes qu'on a cru comprendre. Donc, évidemment, c'est un petit peu embarrassant pour un physicien. Et en même temps, on n'a pas envie non plus de mettre ces témoignages complètement de côté. Donc, ça n'a pas été le cas du laboratoire dans lequel j'ai travaillé, mais il y a eu depuis maintenant plusieurs décennies un certain nombre de tentatives de reproduction en laboratoire d'un plasma, donc d'un milieu ionisé qui aurait ces caractéristiques-là. Alors effectivement, on est parvenu à le reproduire en même temps en concentrant par exemple de l'énergie micro-ondes. Donc en utilisant des conditions de fabrication qui ne sont pas forcément celles qu'on trouve dans la nature. Donc on a un petit peu avancé, mais on n'a pas complètement élucidé le problème. Voilà, il reste intriguant et ça reste source de témoignages. Je vous recommande la lecture, il y a des choses très drôles. Il y a des foudres en boule qui passent dans des piles d'assiettes sans les déranger. Il y a des choses magnifiques dans les témoignages qu'on connaît et qu'on trouve dans la littérature. Il y a un autre phénomène qui pose encore quelques questions, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs études qui se sont intéressées sur les endroits où frappe la foudre. Il y a une étude de 2013 qui a été publiée dans le Journal of American Meteorological Society qui voulait savoir si la foudre frappait totalement au hasard ou pas. Et on sait d'expériences d'observation qu'il y a des endroits qui sont particulièrement frappés par la foudre. On peut parler, on peut penser au lac Maracaibo, au Venezuela, qui est frappé 297 fois par an. Est-ce qu'on a aujourd'hui plus de détails scientifiques, physiques sur justement ces chutes de foudre répétées? Oui, il y a deux catégories de facteurs de causalité. Il y a évidemment le facteur climatologique. J'ai dit tout à l'heure, je crois que c'est 75 à 80% des éclairs qui se développent entre les 30 degrés de latitude nord et 30 degrés de latitude sud. Il y a des endroits où le niveau orageux, le niveau de fréquence orageuse est absolument considérable. C'est en Indonésie, je crois, les records sont là. Donc évidemment, là déjà, plus il y a d'orages. Ensuite, la foudre va avoir tendance à tomber sur des points d'amplification du champ électrique. Bon, on sait tous que les clochers, tous ces édifices pointus sont maintenant quasi systématiquement protégés par des paratonnerres parce qu'ils sont souvent frappés par la foudre. Il y a des anecdotes un peu drôles là-dessus, drôles. Au cours des siècles, on avait l'usage de faire retentir les cloches. Donc il y avait des sonneurs qui venaient dans les clochers pour faire retentir les cloches parce qu'on pensait que ça allait disperser l'orage. Et malheureusement, les sonneurs, ils étaient souvent victimes d'un devoir périlleux et ils aient laissé leur vie. Bon, là, c'est pour l'anecdote, mais clairement, il y a, en particulier dans les monuments, dans les formes, dans les pics rocheux, c'est pour ça que l'orage en montagne est dangereux, il y a des conditions qui sont favorables du point de vue électrique. C'est toujours les deux familles de causalité, météorologique, on pourrait dire thermodynamique et électrique. Et sur le lac Maracaibo, qui est un lac, pourquoi est-ce que la foudre s'abat à ce point-là sur ce lac? Alors écoutez, là, j'ai pas d'éléments vraiment. Vraiment, je ne sais pas s'il est entouré de zones montagneuses. Bon, après, il y a d'autres questions. Il est possible aussi, on sait que l'électrisation à l'intérieur des nuages est souvent liée à la présence d'aérosols. Peut-être qu'il y a au-dessus. Qui permettent la condensation. Est-ce que cette mission Taranis, elle pourrait également, Christophe Bastien-Thierry, être la précurseur d'autres missions autour d'autres planètes? Puisqu'il n'y a pas que sur Terre qu'il y a des orages, on en a observé sur Mars, sur Vénus, sur Jupiter, sur Saturne, mais pas sur Vénus. Ah, sur Vénus, Anne Bondu fait non. Mais sur Vénus, on suspectait des éclairs, et en fait, les derniers passages, en particulier de la sonde Cassini en 98 et 99, on dit, mais non, finalement, on n'en voit pas. Ou alors, les éclairs sont très faibles. C'était Vénus? Oui. C'était peut-être le premier tour avant de partir sur Jupiter. Oui, c'est ça. C'est une rotation. Et donc, on n'a effectivement rien vu, en tout cas rien détecté. Alors, méthode scientifique, il faut être un bien peu sûr. Prudent. Sur la méthode Taranis, est-ce qu'elle pourrait être précurseur justement à d'autres types de missions spatiales? On a entendu parler de phénomènes orageux sur d'autres planètes, et donc certainement aussi le déclenchement de ces phénomènes-là. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a assez à chercher, à comprendre au-dessus de notre Terre, voir comment ça... Donc, on a dit comment ça se déclenche, en quoi ça agit sur notre environnement aussi, parce que malgré tout, ça doit certainement agir. Il y a des productions d'oxygène particulier. Enfin, donc, il y a vraiment bien à comprendre. Et voilà, donc non, pour l'instant, il n'est pas prévu de mission planétaire. Et là aussi, la planétologie a d'autres sujets d'intérêt. Que les orages, quoique, on alors, a observé. Contre, oui, on en a observé sur Saturne. Voilà, Saturne, où là, il y a des éclairs très très puissants. Je crois qu'on a 10 000 une estimation. 10 000 fois plus intense que sur Terre. 10 000 fois plus intense que sur Terre. Et également sur Jupiter. Oui, sur Jupiter et sur un satellite de Saturne, Titan. Sur Titan, oui. Voilà. Mais est-ce qu'on sait si la physique à l'œuvre dans les orages sur Jupiter et sur Saturne correspond à la physique des orages à l'œuvre sur Terre? Jupiter et Saturne, on suppose qu'il n'y a pas de sol, enfin on suppose, a priori, il n'y a pas de sol rocheux, c'est quasiment sûr, oui, c'est quasiment que du gaz condensé, donc est-ce qu'on connaît un peu la physique à l'œuvre derrière ces orages-là? Oui, je pense que ça... Oui, quand même, globalement, en particulier, il y a des grands mécanismes convectifs, je pense qu'on... J'ai jamais personnellement travaillé sur ces sujets-là, mais je pense que ça renseigne sur la forme de la convection et ce qui est contenu dans l'atmosphère. Finalement, souvent, l'éclair peut être un traceur de mécanismes d'un autre ordre. Pour conclure, dans les quelques minutes qui nous restent, la mission Taranis, racontez-nous un peu aujourd'hui quel en est le calendrier. Est-ce que le satellite est tout à fait construit, puisque vous êtes le chef de cette mission? Quand va-t-il être lancé? Quand vont arriver les premiers résultats? Parce qu'on a envie de savoir maintenant. Alors, donc le satellite, donc la plateforme, ce qui sert à faire fonctionner un satellite, est assemblée, construite, aujourd'hui stockée. Donc on attend les derniers instruments qui vont arriver cet été. Qui sont produits où en ce moment? Alors, qui sont produits en France, pour la plupart, donc dans les laboratoires scientifiques, avec des partenaires industriels dans certains cas. Et donc, l'intégration de cette charge utile, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, va démarrer donc cet été. Et on vise à être prêt au lancement fin 2018, début 2019. Et on attend une opportunité de tir, parce que le satellite Taranis est un petit satellite, il fait 200 kilos, il pourrait tenir sur cette table pratiquement. Je ne suis pas sûr que la table soit tout à fait aussi, assez robuste pour supporter 200 kilos, mais bon. Et voilà, donc on attend une opportunité de tir qui devrait donc arriver aussi en 2019. C'est un lancement, a priori, un lancement Soyouz. Un lancement de Soyouz ou de Vega à partir de la Guyane. Et donc du coup, la mission Taranis en elle-même, elle va durer combien de temps? Elle va durer minimum 2 ans, et c'est prévu pour 4, et souvent un peu plus quand les scientifiques le demandent, c'est souvent le cas. Et au-delà de la communauté scientifique, ce qu'on voudrait aussi avec Taranis, c'est populariser un petit peu, vulgariser tous ces phénomènes, inciter la population à s'intéresser à la découverte de ces choses-là, qui sont visibles à l'œil nu dans certaines conditions. Et notamment, on réfléchit à faire une coopération avec les écoles, les collèges, les lycées, peut-être les écoles d'ingénieurs, pour les doter d'équipements qui pourraient faire de l'observation en continu, comme c'est le cas pour certains d'entre eux sur les astéroïdes, avec des caméras automatiques, de manière à faire des corrélations entre les mesures faites au sol et les mesures faites avec le satellite, de manière à... Voilà, approfondir, consolider la recherche. Donc, c'est-à-dire proposer à certaines écoles d'ingénieurs, par exemple, de scruter les orages, D'équiper leurs établissements de caméras automatiques qui regardent le ciel sur un très vaste champ. Et donc, par temps clair, si les orages se développent au-delà, eh bien, on peut les voir. On a un chasseur de sprites qui, à Toulouse, de son balcon, a attrapé des orages, des sprites qui étaient au-dessus de la Mayenne, vous voyez. D'accord. Donc effectivement, ça peut se voir, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, d'extrêmement loin. Écoutez, l'appel est lancé. Donc, s'il y a des écoles qui nous écoutent et qui sont intéressées, il faut les mettre en relation avec le CNES pour devenir co-observateur de sprites et d'autres phénomènes électromagnétiques des orages. Merci beaucoup Christophe Bastien-Thierry. On tiendra évidemment au courant de cette mission Taranis dans l'émission. Merci également Anne Bourdieu d'être venue. Je rappelle, on peut se procurer Terre d'Orage avec les magnifiques photos de Basile Ducournau et coécrit évidemment avec Jean-Louis Fellous aux éditions du CNRS. Et merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Antoine Beauchamp, Mathieu Lefrançois, Céline Lezen, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Ève Etienne, Elisabeth Miro à la réalisation, Bruno Gagnère-Fontanini à la technique et Victor Buteau au droit d'auteur.